se colle. Faut pas que je dise, je dis juste quoi. Faut que, juste que je dise. Mais faut pas que je le dise. Faut... Je comprends bien ce que je veux dire, je comprends bien. Il faut juste que je dise quoi. Oui, mais il faut pas que je dise, il faut juste que je dise quoi. Il faut, juste, il faut le faire. Il faudrait juste le faire. Quoi. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Ce soir, vu que c'était la journée de la femme hier, ce soir, l'inspiration, ça vient du viol. Voilà, le viol de la femme notamment. Donc ce soir, nous allons gaiement violer. Thank you. soirée viol ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Et tout ça pour la journée de la femme, hein, le viol. La punition n'est que plus sévère. L'attente de l'obsession, qui tarde à se montrer à peine. Alors toujours passagère, évasive action du pourri dissatisfactionnel, comme tangence de réponse répugnante. Alors que les chaudes et chauds expriment la fièvre, celle qui dévore tout sur le passage du carnage, pour n'en rien laisser ni léser, car pureté immaculée de la désagrégance punitive, expédition auto-infligée comme maladie. La poussière du sang fait péter les boîtes. Alors que tout à coup, revenu à elle, le spectre flamboyant, celui de la merde qui se doit d'être éliminée en cendres, alors tout va à l'eau. Pour pourrir un peu plus le lino. Mais que font les jambons ? Peinture lurée de la passion désobligeante, celle de la fortitude de se forcer. Doublement, logarithmiquement. Je ne vois pas l'issue à privilégier, comme l'affront, l'inondation est inévitable, l'affront de la créature, la répulsion de l'être incarné ajoutant à la démesure de l'angulaire et bienheureuse faction de surabondante chair. La monstruosité inaffectable de l'imagination, venue des cauchemars, les autres ne vivent pas là, ils ne vivent s'ils souhaitent ne pas le souhaiter, alors car le temps passe, et l'œuvre dépasse. J'espère que vous passez une bonne soirée sur Canal Sud. C'est l'émission Nuisance. Bienvenue. Nuisance, on vous aime tellement. Abasourdi fraisera les ancres à la meule pour ne pas voir pendant ce temps. La terre détruite par la peur incarnée, émanation des turpitudes, le rire comme édition, horreur des entropies paralléloïdes, des monstres sans figure, des visages des autres, pour mieux leur craquer la peau avec les dents. Le jus coulant entre les cuisses sur leur vie, qui s'agit de chaque peau, horreur abasourdi. Le holà est mis bonjour, maljour, quoi qu'il en ait, pas d'issue. La turpitude surgissante a en elle toute l'ivoire, celle de la glaise enfournée au chaud ou au froid de l'obscurité. la diligence déborde vers l'azur privilégié. Et l'azur ne t'aimant pas à crever les yeux. Les entres diaboliques quittent le foisonnement, comme le foisonnement qui fait la pièce. La pièce nue couvre de l'enfer en son absence. La vie qui peut privilégier par la vie. Nature, vie, éthique, obsolète. L'oubli dérive, il n'entend rien à l'amour. S'adressant à tout public. Crevons-nous les abcès que nous sommes. Les humains, c'est comme une sale race d'humains. Par exemple, les humains, c'est de la merde. C'est de la viol auditif. C'est en cela que je chie sur ma précieuse humanité. Viol auditif. L'humanisme, s'il en est un. Tuons-nous tous les uns les autres. Torturons-nous les tous et toutes pour que nous apprenions que ce n'est pas en étant un bateau, viol-mi, tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Alors crevons-nous. Les abcès purulents qui puent, c'est nous. Alors plutôt que de chasser l'or, quel qu'il soit, et de tuer nous à petit feu, tuons-nous carrément, directement, et malheureusement, il y aura des survivants. Pourquoi se torturer les uns les autres? Tuons-nous carrément, cash et vite. On souffre assez de notre connerie. En plus, on pue la merde que l'on est. Oui, c'est vrai, la merde humaine, c'est nous. Pas de quoi être fier. Moi, je te le dis, c'est la merde, c'est pourquoi. Tous les tuer, c'est merde, et ce qu'il mérite, c'est merde, de merde, les enfants de merde, ces bâtards doivent crever. L'abcès qu'ils sont, ces grosses saletés vicieuses, l'horrible bâtard. Alors voici. La langueur est même souvent le péché de merde. Voilà, c'est fait et d'avance. L'encouragement de la massacre et rivalité sur nos obscurants, ce qu'on nous tue. Une étude sociologique qui a été faite sur les ouvriers travaillant le bois, en fait, ils sont pareils aux matériaux qui travaillent. C'est-à-dire qu'au printemps, ils ont une brusque montée de sève, de testostérone et. Enchaîné. Les chantiers abondent, les femmes se dénudent dans les rues et sont sujets à des parasitages. L'oralité dépasse. On le sait, la femme est coupable d'une séduction passive en portant des robes rala, quoi. Évidemment, le viol est consubstantiel à la séduction, qu'elle soit active ou passive. Donc, entre viol mi et viol moi, à grands pas. Viole ma vue et je te viole toi. Viole moi papa. S'il te plaît. Prends moi papa. S'il te plaît. Obsession et négation, elle libère de l'entraînement. s'il te plaît. Maman, violez-moi. Je veux être violé. Chef. Chef d'atelier, viole-moi. Patron, viole-moi. Président, viole-moi. Capitale de la violette, ville rose. Toulouse, viole-moi. Tout le monde viole tout le monde. Viole-moi, la journée de la femme, viole-moi. Quant à la journée de l'homme, elle n'est pas encore. Donc, le viol masculin, le viol des hommes n'est pas reconnu. Viole la journée de l'homme aussi. Violez tout. La journée du viol. La vie du viol. La mort du viol. Le viol. Par un viol. Alors pour se faire violer, il n'y a pas de règle en fait préétablie. On peut tantôt s'habiller telle une prostituée, tantôt être en panoplie de pucelles falsifiées, comme disait si bien le chanteur du groupe Ange. C'est facile à faire. D'autant que les sécrétions ne sont pas forcément visibles. Sur du blanc. Habille-toi en rouge et noir. Non, en blanc. En blanc et rouge. Comme au Feria. Si tu sais, mais cela ne se verra pas. Sachant pas si c'était à cause du sidibraline qu'il avait trop bu la veille, ou s'il avait subi des attouchements. Donc Petit Beurre va témoigner ce soir. Il arrive aux alentours de 10h. Mon cul. C'est ce qu'il a dit, mais il ne s'en souvient plus. Oh oui, baisse-moi encore le cul, salaud. Oh oui, baisse-moi encore le cul. Je voudrais tant savoir ce que ça fait que d'être baisé par le cul, s'il te plaît. Il suffit de demander. Oh, merci, encore. Et voilà. Bienvenue sur les ondes de la folie meurtrière. Merci. Que fait la police? Bah, qu'est-ce que tu as, mon enfant? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, mon enfant? Mon tonton, c'est un enculé de sa mère. Pourquoi tu dis ça, mon enfant? Vas-y, viens me parler, viens, dis-moi. Pourquoi tu dis que ton tonton, c'est un enculé de sa mère? Allez, viens, assieds-toi. Mon tonton, c'est un enculé de sa mère parce que il m'a caressé les genoux. Moi, je te caresse les genoux et je suis pas un enculé de ma mère. Ouais, mais mon tonton, il m'a touché la poitrine. Bah, regarde, moi, je te touche la poitrine et je suis pas un enculé de ma mère. Ouais, mon père, mais en fait, mon tonton, il m'a pénétré. Regarde, moi je te pénètre et je suis pas un enculé de ma mère. Ouais, mais moi je veux sucer des bites parce que je suis un violé de la petite enfance. Je suis un violé comme mauve. Mais regarde, c'est la journée de la violette. Alors prends ça dans ta bouche. Ouais, mais je veux mourir, s'il te plaît. Ça, il va falloir du temps. Tu veux pas faire un tour à la cave? Bon, d'accord. Encore une fois, je vais faire un tour à la cave. Attends. C'est quoi ça? Non, éteins ton portable, s'il te plaît. J'ai pas de portable. Je suis innocent, moi. Je me masturbe pas avec des objets vibrants dans l'anus comme tous ces portables de merde. Il faut choisir. Faut être tolérant. Il y a des gens, ils ont un vibreur et d'autres, ils ont un vibro. C'est comme ça. Mais moi, j'ai pas l'argent. Parce que je suis humain. Mais regarde, mais suce ma violette et je te donnerai de l'argent. Je suis pas un animal. Je pense quelque chose de sage. Moi. Alors, s'il te plaît, hein? Tu me laisses tranquille maintenant. D'accord? Tiens, voilà une violette. Bon, d'accord alors. L'égalité des sexes, l'égalité du sexe. Elle est pas pour aujourd'hui. Moi, j'ai attendu 27 ans avant de me faire violer. Alors soumettez-vous. À la dure loi, celle de la verge. Elle était belle. J'étais en train de faire la queue au supermarché. Et quand stupidement, un être apparut. Elle s'est retournée. Je ne savais pas si c'était un ange ou un démon. Et c'était ma mère. Et je l'ai prise par derrière. Ma mère. Ma propre mère. Vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a dit, si tu refais ça encore une fois, je bute papa. Compris, mon fils? Compris, mon fils? Je vais pas te laisser traîner, mon fils. Viens ici. Baise-moi. Comme un bon fils. Tu vois ce que je veux dire? Merde. Pourquoi moi? Non mais c'est vrai quoi, faut pas exagérer. On peut pas se passer sa vie comme ça. Faut faire quelque chose. Faire quelque chose. Faire la merde. Partout la merde. Et tuer les gens. Tous les tuer les gens. Il faut tous les tuer. Parce que c'est eux. C'est leur faute. Les gens, c'est leur faute s'ils sont cons. Et ils encombrent en plus. C'est des cons qui encombrent. Alors merde quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre ce soir? Heureux dans la vie. sont-ce les concombres qui jouissent? Une fois, il y a une fille, elle a voulu que je la viole et moi j'ai pas voulu et après elle m'a trop fait la gueule. C'est mon chien, personnellement, j'ai voulu le violer et ben je l'ai fait et il m'a fait la gueule après, tu sais. Moi, une fois, je me suis endormi à côté de mon père et il dormait comme ça, j'étais sur le ventre et puis il a cru que c'était ma mère à côté et il m'a touché le cul. Et là, je me suis senti tout drôle, mais ça s'est passé, et après je me suis dit, moi ça doit être sympa d'être une femme en fait. L'avantage en fait, c'est que quand t'es une femme, tu peux te faire violer. Par derrière. Avec un homme, devant ou derrière, non, il peut pas. Si dans la tête, il peut. Il peut être violé dans sa tête. Si tu veux, tu peux. Ouais, vas-y. Mais il peut, mais c'est pas lui. Même s'il veut, il peut pas, en fait. C'est les autres qui disent s'il va être violé dans sa tête. Ah, s'il te plaît, veuille. Par devant ou par derrière? Veuille le pouvoir. Oh, tu es un homme de pouvoir, je t'aime tellement, mon cher Nicolas. Tu es un homme de pouvoir, je t'aime. Ah, elle est vraiment extraordinaire. C'est elle, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est elle, quoi. C'est mon amoureuse. Moi, je suis un mec de pouvoir, mais en fait, je sais pas, c'est elle, quoi. C'est elle que je baise. T'as vu comme elle est bonne, putain. La journée de la femme. Et qui s'amuse un peu avec ça, ouais. Ils sont cons, putain, ils sont trop cons. Que je traduise pour vous, donc ils méritent leur mort, they deserve their death. They deserve to die, ils méritent de mourir. Créature vile, vile créature. Comprenez mieux maintenant l'esprit de nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Amour, paix, gloire, beauté, pouvoir, eh ben allez vous faire enculer, bâtard. Veuillez baiser avec ma cavielle. Ma cavielle. Mère Macrel. Qui tient son bécherel. Ça c'est Mia Cavalich. Ah putain, ta chat là, elle est machiavélique, t'as vu? Oh putain, comment la machiavélique t'as te chat? Oh putain, oh comme tu as un visage machiavélique, ma chère et douce enfant. Oh bellasse, que tu es bonasse avec ton visage d'enfant, cher et tendre machiavélique. On nique? Oh putride, chérie putride, tu viens? Oui, je sais, tu pues, mais je m'appelle Napoléon, j'aime bien les femmes qui puent. J'aime bien les hommes qui puent aussi, je suis Napoléon, vous savez pas ça, hein. Napoléon, et eh ben ouais, ouais, bien tout. Il était ouvert à toutes les expériences, Napoléon. Et oui, pas comme notre Napoléon national. Lui n'est pas ouvert à toutes les expériences comme laisser tomber, par exemple. Il veut pas faire ça, il est trop fier. Laisse tomber, mec. Laisse faire. Casse-toi, c'est bon, on t'a assez vu. On t'a assez vu. Va te faire. Mais non, ça, non, il lâchera jamais l'affaire, lui, comme ça, tu vois. Il fait les choses jusqu'au bout. ou rien du tout. Et ben je préférais qu'il fasse rien du tout, tu vois. Il a dit, je ne suis pas pour l'égalitarisme et le nivellement. Pourtant, moi, si je creuse un trou et que je le mets dedans à plat, et ben il est de niveau. Mais sous terre alors, la tête. Ouais, ou alors, on fait un trou, on met du bois et on fait du feu, on le met dessus. Ou la tête à l'envers, comme Mussolini. La tête dans la terre, qui respire un peu l'air frais qu'il a conquis. Il a dit qu'il aime la France, la terre française. La victoire est facteur de victoire. La pitance, facteur de pauvreté, de merde qu'on encule. On les prend, les pauvres cons, et on les prend, on les retourne, les pauvres cons, et on les encule. On aime ça. Parce que nous, on est riches, nous. Et nous, on a le pouvoir, nous. Les pauvres, c'est comme la terre, faut les retourner. Et les prendre par le cul. Régulièrement. Et les épuiser jusqu'à ce que la terre soit stérile. Et après, on les fait travailler, ces enculés, bâtards de mouches de merde. Nous sommes les enculeurs de mouches, nous sommes les riches. Butons les riches, butons les riches. Ils méritent leur mort, ville créature. Elles méritent leur mort, ville créature. Ils méritent de mourir, elles méritent de mourir. Ils essaient de représenter la droite de valeur. Tuer. Celle qui a des privilèges autant que elle nous protège. Tuer. Mais de qui de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye, de la Syrie et bientôt de l'Iran puisque nous avons besoin d'être libérés de... Tuer riches. On a vraiment nos besoins en pétrole donc il faut aller là-bas. Tuez-les tous. Le bien triomphera, quoi qu'il en soit. À la fin, il n'y aura que nous. C'est nous les gentils. Pays des droits de l'homme, de ceux qui écrit les droits de l'homme, de ceux qui écrit les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est universel puisque c'est moi qui les ai écrits. Et la Constitution aussi. Vas-y, ouais. Joue sur ton piano, espèce de sale négro. Joue sur ton piano plus vite. Négro, esclave. Si vous voulez, esclave, travail. Fait un référendum, mais un référendum qu'un homme, en fait. Juste moi. Travail, sale esclave. Plus vite que ça, plus fort encore. Vas-y, travail. Travail jusqu'à ce que t'aies plus de moelle osseuse. Et que tu saignes. On rétablit le droit de cuissage. La puissance de l'ombre est là. Et on n'a même pas besoin de demander puisque de toute façon elle se tourne vers nous. La puissance des riches. Elle se tourne toutes vers nous, vos filles. Tuez les riches. Vers nous les riches. Tuez-les. Ils sont les. Tous, c'est tout. Je reconnaîtrai les miens. Vous n'êtes pas de ceux qui croissent, vous êtes ceux qui font décroître l'azur. Et vous croissez encore comme des corbeaux pourris qui mangent les yeux de l'homme. Ne vois donc pas ce qui t'arrive, espèce d'humanité bête. Amenez à la baguette. Allez, danse, piétin, danse, ouais, danse. Faut être solidaire. Danse la beauté du monde et la joie de être vivre. Être solidaire. On a tracé des frontières pour dire que vous serez solidaire à travers ces frontières, jamais au-delà. Que dans l'hexagone. Ailleurs, on fait la guerre. Parce que chez nous, on est solidaires, mais ailleurs... D'ailleurs, ils sont pas solidaires, donc faut leur faire la guerre. Une guerre pour la paix de ceux qui sont solidaires. Après, bah, ils se sentent bien pour aller en boîte. Et puis quand ils sont trop crevés d'avoir travaillé dans leur boîte, eh ben, on peut leur vendre des boîtes pour les mettre dedans. S'ils ont pas assez d'argent pour se mettre dans des grandes boîtes, eh ben, on leur vend des petites boîtes. Et surtout, faut qu'ils achètent les boîtes. Les loups. Parce que quand ils rentrent de leur boîte, eh ben il faut bien qu'ils s'abritent dans une boîte. Alors soit on leur vend des boîtes très très chères, soit on leur loue très très cher pendant très très longtemps les boîtes. Et surtout on interdit les squats. Pour qu'ils soient toujours obligés de louer ou d'acheter des boîtes. On en marre d'être tout le temps dans des boîtes, et ben on mondialise des boîtes, on dit que toutes les boîtes se valent et que tout vaut tout. On trouve tout chez qui loue tout et chez la farfouille. Votez pour l'anus. Alors si vous prenez cette intention de vote au sérieux, vous êtes vraiment des cons. Le con, c'est pas le cul. Bon, on arrête tout, y en a marre. They deserve their death, vile creatures. We deserve to die. We deserve it. Yes, fuck it. Kill. Kill. They deserve leur face de putain. Machine à baise. We deserve to die. Oublier. We deserve it. Yes. Leur muselle irrite. Museler. They deserve their death. Car fervente administrice. We deserve to die. We deserve it. Yes, fuck it. Kill. C'est ça. Libérer. C'est la fête au village. Les enfants, les parents, tout le monde prend sa saucisse dans le cul. C'est la fête au cuissage. Les parents, les enfants, tout le monde goûte à mon gland. seulement. Voilà, bah. C'est la fête du passage. Tout le monde est con, on en a rien à foutre. Et de toute manière, on va crever. Faut bien mourir de quelque chose, bande de bâtards. Bah allez-y, crevez, vite, allez, plus vite que ça, allez, allez hop, hop, hop. Tout le monde rentre dans la boîte. Tout le monde crève de travail, trimé. Et en fait, pour cette histoire de chambre, on vous a mis en boîte. Je te baise, Kitty. Je te laisse, Kitty. Pas parce que, parce que. They deserve their death, vile creatures. They deserve to die. Fuck it. Kill. Kill. They deserve their death, vile creatures. They deserve to die. We deserve it. Yes. Kill. Kill. Kill. Let's fuck. Let's fucking die. J'en sais rien, car je l'ai emprisonné. Ceux qui nous ont dirigés ont toujours été des bijoux, par conséquent, nous aimerions les voir dans des boîtes à bijoux. Bien fait. Bien fermé. On est profond. La première fois, comme ça, on n'aurait pas eu à baiser encore et encore pour éviter. Mais comme ils sont conservateurs, ils se dégradent pas facilement. Quel moteur vide. Massant mon espace pour qu'on continue répétitivement. Cycle mensuel instruit. Fuck us. Des squams. Fuck everybody. Fuck people. Fuck it. Fuck. Yeah. We deserve to die, vile creatures. We deserve death. We deserve it. We deserve it. Nous le méritons. Oh, bon Dieu. Tuez-nous. Bientôt, bientôt. Ouais, ça prouve qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre. Me l'a prise. Je broie du noir dans la machine. Dragon verdâtre. On n'a plus le droit de fabriquer des guillotines grandeur nature. C'est bien dommage. Quand on voit les évolutions des marques de l'âme. J'en veux plus. Ouais, on peut le regretter, parce qu'il y a les gilets de 3 lames qui sont sortis l'année dernière. Il y a Wilkinson 4 lames. Qui évite la repousse. Putain, merde, quoi, je veux dire. C'est pas la journée de la femme pour rien, quoi. Rasez-vous sous les bras, hein. C'est la perfection au féminin, ça existe aussi, hein. On s'en fout que ça gratte, nous les hommes, nous ce qu'on veut c'est... Mais pensez que la perfection n'est pas qu'extérieure, en fait, hein. Surtout. Nous ce qu'on veut c'est de la peau soyeuse et douce. Vous êtes perfectible, hein, malgré tout. Hein. Nous sommes de la merde. Enfin, c'est du travail quand même, hein. Il suffit de pas merde, de se faire belle, putain. Parce que... Toi, le beau. Pour se faire belle, il faut donc acheter des travailler dans des boîtes très longtemps pour avoir des produits de beauté qui sont faits avec des carcasses d'animaux morts. Ou qui sont fabriqués avec des produits à base d'ingrédients naturels que l'on va chercher dans des pays très lointains et qui sont collectés par des petits enfants. Que nous violons régulièrement puisqu'ils le valent bien. Pour de l'argent. C'est notre idéal, c'est l'idéal de la marque que nous valons bien. Nous ne la citerons pas puisqu'elle est tellement prestigieuse. La musique. C'est la musique. La nouvelle crème anti-vieillissement faite à base de nectar, d'huile essentielle, de pépins, de pulpe, d'extrait, de concentré, de jus, d'enfants péruviens. C'est pas bon pour eux, mais je m'en fous. Moi, c'est bon pour moi. Nous voudrions donc remercier les enfants péruviens pour leurs bonnes blagues qu'ils nous ont offertes. Merci pour la perche, les gars. Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'on ferait? On n'aurait personne à violer. Donc la journée de la femme hier, c'était sympa, j'ai bien aimé. J'ai apprécié, je trouve, et Et puis merde quoi, disons-le franchement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre quoi. La journée de la femme hier, c'est que j'ai pas croisé une seule femme de la journée, puisque je travaillais sur un chantier. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de chier après tout, tu sais, je veux dire, il a fallu que je chie, est-ce qu'on a une journée de la merde pour autant, hein. Mais bon, au moins j'étais tranquille, parce que j'ai pas vu des cuisses trémousser devant moi, j'étais bon, tranquille avec mes amis sur le chantier. Alors, le mec qui me dit... En train de soulever des poutres. Le mec qui me dit, t'as vu ma poutre de Bamako que j'ai dans le fut? Je lui dis, bah ouais, je l'ai vue, tu sais, et alors? Ah bah, il m'a dit, merde, t'es pas gay, toi. Il m'a dit, t'es pas gay, toi. Bamako, et moi, j'ai dit, non, non. Il m'a dit, bah moi non plus, tu vois. Et pourtant, je bande. Alors, je lui dis, bah merde, pourquoi tu bandes alors? Parce que je suis un humain, et tu vois. Et que moi, si j'ai envie, ben je bande, tu vois. Et je peux me branler et tout, c'est cool. Et je peux me taper une meuf et tout, c'est génial, tu vois. Ou un mec d'ailleurs, si je veux. Et donc, mais là, la bite. Vraiment, tu te trouves seul avec une femme. La bite, c'est bon. Les femmes qui sont françaises, là, elles sont vêtues court. Ah, vraiment, ça donne envie, hein. Et donc, mais en parlant de femmes, ça tombe bien. On a à peu près bafoué tous les rites ancestraux ce soir. Donc, on va aussi bafouer le rite ancestral de la sagesse. C'est mais fini. En fait, nous aussi, on a envie de vous vacciner. Non, mais parle pour toi, mon gars, t'sais. Moi, je ne vaccine personne, sauf pour la vie. C'est-à-dire que mon enfant, j'en ai pas, je l'encule. Et j'espère que vous allez tous crever en paix, prout. Et aussi, je vous souhaite la mort. De rien. Bon, maintenant, c'est bon? Ah, d'accord. Poutre de Bamako dans mon cul, s'il te plaît. Mais c'est dangereux parce que si tu protèges pas, après toi, tu peux te reproduire. On sait jamais. Bah franchement, je préfère faire un accent français. Regarde, je suis un français, je suis un gros con. Et je pue de la... Conneries humaines de merde, et je suis français, vive la France de merde, qu'encule les gens, les pauvres cons. Vive la France, zig! Non, c'est une expression artistique. Ça veut dire que je suis en colère contre moi-même parce que je suis français. Je sais, c'est assez incompréhensible comme truc. Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Je n'ai aucun bord politique, je m'en fous, je vote même pas. Voilà, pour vous le dire. Moi en fait, j'ai rien compris à ce qu'il faisait non plus. Donc, vive la France! C'est ce qui me rassure. J'ai pas peur de lui, mais je comprends rien à ce qu'il fait. Par contre, l'autre là, Napoléon là, je sais pas ce qu'il fait, mais lui me fait peur. Parce qu'il est pas à côté de moi en fait. Il a raison, il fait de la maille pour la France. Il a raison parce que ça profite à la France. La France, c'est important pour nous, tu vois. Il a raison. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils essaient de violer la France. Voilà. Et tous ces bougnoules et ces bicots et ces roumanis de merde et ces blacos de chiottes qui retournent chez eux parce que s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller se faire enculer, tu vois. Moi, je sais pas, hein, si j'avais un pays de merde, eh ben, je préférerais rester dedans, quoi. Tu vois, au moins pour les autres. Franchement, je préfère rester en vie, ouais, c'est ça, ouais. On n'a pas toujours le choix. Je prendrai les paroles de Patrick Cruel. Qui a le droit de ne pas faire ça à un enfant qui a moins de 10 ans? D'ailleurs, même l'ancien ministre de la Culture hein, se faisait beurrer l'oignon en Thaïlande par des enfants de moins de 15 ans. On m'en fout si on voyait ce qu'il y avait dans la chambre à Sarkozy là. Quelle petite bite ce connard alors! C'est une expression artistique, je suis complètement fou, vérifiez mon dossier. J'essaie de ne pas voir le mien. Non, je veux dire, quand on envoie une lettre aux handicapés pour leur dire de travailler, faut quand même réenvisager la chose, quoi. Je veux dire, c'est qui l'handicapé dans l'histoire ? Ça n'est pas politique. Puisque ça n'est pas très très intelligent. C'est personnel, je l'aime pas ce mec. Convenons-en, la politique étant un égoïsme intelligent et socialisé. Ce jeune autochtone ne peut rien comprendre à la politique. Ah, tuez-moi! Vu qu'il n'est pas productif, il est nuisible. Forcément. Et Nuisance donc est là pour vous faire chier. Vous l'avez compris, vous l'auriez compris si vous aviez écouté les émissions auparavant. Nous sommes là pour vous tuer les oreilles et vous tuer l'esprit. Nous sommes là pour vous nuire. D'ailleurs, si on vous tue l'esprit, ça vous nuit vachement, hein, vu que vous en avez pas vraiment. Bande de nazes, d'humains de merde comme mes frères et sœurs à moi, tu sais. Et moi j'ai pas d'esprit non plus, ça veut dire qu'eux non plus ils en ont pas, hein. Allez vous faire enculer nous. Ouais, ouais, changez de station et dites à votre voisin ou votre voisine, mais c'est vraiment de la merde ça. Oh. Mais nous on est pas des merdes comme ça, non mais on est vraiment. Moi je suis mieux qu'une merde, je suis de la pisse moi. Ouais. Ouais, la pisse au moins elle va partout, elle prend n'importe quelle forme. Ouais. De la merde, elle s'accroche, elle encombre. Ça continue à couler tout le temps. Ah. C'est la station d'épuration centrale. Je t'entends pas. T'as pas entendu la sonnette ? Ah non, j'arrive. Viens. T'arrives ? On les connaît, hein, on va pas leur parler dessus, hein. Tout est possible. Des torrents de merde. Là, Kitty Kaka à côté, c'est rien du tout. Merci mon père pour m'avoir fait comprendre la vie. Parce qu'il m'a montré tout de suite ce que les gens voulaient de moi, en fait, quand il m'a violé. Non, c'est vrai qu'avant de me dire que quelqu'un me veut du bien, j'attends de voir. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM, canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui bat son plein. Peut-être que Petit Beurre va pouvoir témoigner. Okay, now I've got something to say, I just don't know what it is yet. Comme vous l'avez remarqué, nous n'avons absolument rien à foutre de vous, ni de quiconque. Nous sommes ici pour faire chier, uniquement pour faire chier. Peut-être pour en réveiller un dans la masse, mais ça m'étonnerait franchement, vu la masse de gens pourris qu'on a sur Terre, surtout les riches. Puisque le monde tourne autour du fric, c'est la faute des riches. Et bien c'est la faute à quelqu'un, hein? C'est pas la faute au pauvre con pour changer. Bon, ben, si vous l'avez remarqué, Nuisance, si vous ne l'avez pas remarqué, pardon, Nuisance est une émission donc éminemment bruitiste. Bon, ben, pour tous les noiseux là, noisiciens entre autres, et noise écoutants, tenez du bruit, voilà. C'est un bruit donc d'une facture assez originale puisqu'il est, il est fait en live, en direct, en live. C'est un bruit d'origine numérique peut-être, entre autres. Mécanico-analogico-numérique. Sonic, on peut même dire, puisque c'est un bruit sonore, expérience parmi tant d'autres, on va dire, mais quand même, ça a son importance. Et ça a sa portance, donc. Pour tous les pauvres cons qui vont en soirée ce soir en discothèque, c'est pour vous, spéciale dédicace. Salut les pauvres cons! Vous aimez la musique, et moi aussi. Vous voyez ? Ça c'est de la musique, oui. C'est de la musique brutiste, oui. T'avais jamais entendu avant, ah d'accord. J'en ai rien à foutre, ta gueule. T'es enculé, va trimer au CDI de merde et prends tes crédits de chiottes. Enculé. Ouais, enculé c'est le bon terme, ouais. Espèce de mouche. Enculé par les enculeurs de mouche. Et pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées par l'humanité qui bouffe sa santé. Sans jamais s'arrêter. Sauf pour mourir. Non mais qu'est-ce que vous croyez ? Nuisance, c'est pas une émission qui va vous faire plaisir. Enfin, sauf si vous êtes complètement barge comme moi, t'sais. C'est donc une émission qui se fait chier et qui le dit. Oui. Ça fait chier, la vie. Surtout d'être humain, je veux dire. Tu vois. Parce qu'à la limite, les animaux ils sont plus intelligents que nous, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'arrives à me suivre jusque-là? Parce que la sagesse, c'est pas humain, hein, mon gars. Putain! Ta gueule, l'humanité, crève! Sagesse de cul! Tout ce que vous savez faire, c'est baiser et bouffer du foutre de merde. Spermeux. Bouffez-vous la cyprine entre vous, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux voir, c'est de la mort. Partout des morts, cadavéreux et purulents. La beauté, c'est un être humain mort. En fait, être humain, ça devrait vouloir dire mort. En fait, ça veut dire c'est un mort. Quand on dit salut, je suis un être humain, ça veut dire je salue, je suis un mort. Je suis un mort-né. L'être humain, c'est la nature morte. La nature morte. Je suis né de la merde morte. Puante. Un pot pourri. De l'humanité à chier. Qui pue. Parce qu'elle ne sait pas faire ce qu'elle veut. Elle sait rien faire. Elle veut faire des choses, elle sait rien faire, elle fait que du fric, c'est tout ce qu'elle sait faire. Est-ce qu'elle le veut bien ? Wouh ! Nature morte, nature morte. Il y a de la nature autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on parle de mort quand on parle de nature ? Moi, je suis naturellement mort. Je vis, je bouge, je pense et je vis et je survis. Et quand j'agis, je ne suis que mort. T'es humain, mon gars. Il faut comprendre mort, M-A-U-R. T'es humain, mon gars. T'es déjà mort. T'es mort-né, mon gars. T'es humain. Né pour mourir. Oui, allô, mais je pense que ce que vous dites, c'est un peu abusé. Je suis d'accord qu'on peut conceptualiser l'être humain comme étant mort, mais quand même, ne me raccrochez pas à la gueule, s'il vous plaît, non. De toute façon, on aurait dû le violer avant. Excusez-moi, est-ce que c'est bien ici, la charcuterie va te faire enculer? Ouais, viens. D'accord, merci. Bon ben j'arrive demain peut-être. Demain j'arrête. Et c'est pour quand l'arrêteur cadavérique? Pour une fois t'auras une érection mon choupinet. À force de te sucer, moi je commence à avoir les gencives qui saignent. T'éjacules quand? Mais j'en ai marre. Tu prouves jamais que tu jouis. C'est toujours moi qui ai toujours des orgasmes avant toi. Mais c'est bizarre quoi. Mais pourquoi tu me parles jamais? Tu bouges plus, tu penses plus. Là qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi est-ce que tu fais des choses comme cela? Écoute ce qu'elle dit là, la vieille. Ça fait des années qu'elle lui dit, mais si tu me baisses pas mieux, je te coupe la queue. Qu'elle m'a castré avec son gros cul mort qui bouge plus. Moi je l'ai rencontré, on était dans un raga système. Elle faisait du dancehall et elle bougeait, elle m'excitait beaucoup. Maintenant je me sens comme décédé, hein. Mais c'est difficile de penser à autre chose que ce truc là, ce truc mort là. Voilà, mais ouais, mais bon, moi je me considère étant lépreux, que je dégouline de sagesse. Oui, oui, tu la sens là, cette chasse. Putain, t'es sage mon gars, putain, vas-y. Ah ouais, sois encore une fois sage avec moi. Oh bien, oui, bien au fond, sage. Oh comme t'es sage. Oh, moi je suis juste intelligent. Oh vas-y, sois sage avec moi. Oh, cuit, sage. Sois encore plus sage, oui, jusqu'au fond. Tu sens mon cuit, hein. Oh, j'aime ta sagesse. Oh, j'aime ta sagesse. Je suis vraiment un homme grâce à toi. Vas-y, papa, encule-moi. Moi, ce droit de cuir. Ah, comme tu me regardes, pour devenir intelligent, pour que ça te rentre dedans. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Je dis qu'il faut expulser les sans-papiers cul. Non, s'ils font du tourisme sexuel ici, ils peuvent le faire s'ils veulent. La trilatérale autorise la triennale. Ouais, moi je dis que c'est un concept social bizarre quand même de faire du PQ rose. Comme si on avait envie de se nettoyer avec quelque chose de rose. mettre une tache marron sur quelque chose de rose, c'est pour bien mettre en évidence. Tu fermes ta gueule, c'est nous qui l'avons décidé, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Tes rêves, tu te les carres au cul, ok? Et tu dois voir la vie en rose, par le cul, par où tu veux. Moi, je peux me nettoyer avec les doigts, tu vois. Et puis, quand je trouve que ça sent encore pas assez mauvais, eh ben je me mets des doigts dans le cul. Et puis après, je fais des tire-bouchons, tu vois. Je tire-bouchonne ce truc qui reste bloqué, tu vois. Comme ton cul. Ça éviterait d'aller faire des trous dans la sécu. Moi, je fais des trous dans mon anus, tu vois. Bon soufflé. Et c'est vrai, quoi. Il y a des gens dans le tiers-monde, ils ont pas de pécurose. Ils se portent très bien, ils vont dans les buissons, ils se chient dessus, ils sont là, ils sont contents, et ils puent avec les amis, ils leur disent regardez, aujourd'hui je chie liquide, c'est bizarre, mais non, c'est pas bizarre, gros con, c'est pas bizarre, non, c'est ton caca, toi là, tout ce que t'as mangé là, comme un gros porc là, pendant qu'il y en a qui ont faim et qui chient une fois par semaine. Oui, et toi tu le nettoies avec du papier rose, avec du rose, hein. Ouais, qui a fait ça, hein, comme si t'étais un Toulousain international, mais c'est de la merde, mais c'est de la merde. Tu es ta propre merde. Quelle horreur. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça te dégoûte, le caca? J'ai jamais vu un tas de merde aussi haut. Oh, c'est pas ça, c'est pas mon enfant ça, c'est le tien. Le caca, c'est toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le caca, c'est toi. Tu sais, s'il faut naturellement, on chie, puis après on pisse dessus pour rincer, pour éviter de se salir son beau caleçon Calvin Klein, là. Hein? Après, t'as honte de sentir mauvais de ce que tu chies? C'est parce que t'as pas la conscience tranquille que tu flippes, c'est ça? Non, je merde. T'as peur qu'on sente cette répugnance intérieure qui sort de toi? Et oui, mais à l'extérieur, ne t'inquiète pas, il y a des gens qui la voient aussi, hein, différemment que toi, tu peux concevoir un paradis terrestre et consumériste. Mais non, mon ami, tu n'es pas Dieu, mais Dieu n'existe pas, il est mort, il est encore plus beau que toi. Vive la France, vive la merde. Scheiße. Chacun le droit de voter, de parler, se sentir un citoyen, n'est-ce pas? Ah, mais moi je vais dire, avec ce papier-là, on peut entorcher des culs! Hein? Oui, car c'est notre seul pouvoir, se torcher le cul et glisser des feuilles dans des fentes. Voilà. Plus jamais nous ne discuterons les lois, nous sommes des électeurs. Les citoyens n'existent plus. Censuré. Vous le savez, depuis bien longtemps. Ne parlez pas d'élection, c'est censuré ici! Ah, mais oui, attends, j'ai une autre idée, tu vois. Tu veux être élu par moi? Est-ce que tu veux que je glisse quelque chose dans ta fente, hein? Tu veux savoir combien ça coûte de nettoyer de l'eau avec laquelle tu tires ta chasse? Tu veux savoir comment est-ce qu'il y a plein de gens qui meurent de soif quand toi tu chies? On va parler de caca. Vas-y, on parle de caca, on continue dans le caca. Tchernobyl, Fukushima, issue de secours. Avec toute la merde que tu manges là, tu pollues les nappes phréatiques, eh ben oui, hein? Et après, tu te dis oui, mais dans le robinet, l'eau est dégueulasse, je vais acheter de l'eau qui vient pas de la maison, moi je veux aller chercher de l'eau d'autre part, dans les montagnes qui n'ont pas encore été exploitées, eh ben c'est trop cool, hein? Malaya. Et oui, t'imagines ces grandes chutes et tu te dis aller en vacances ou en lune de miel, rencontrer le grand amour qui serait totalement frénétique comme toi, qui penserait pareil que toi et qui irait se nettoyer avec des feuilles encore plus roses que les tiennes. Tu adores, hein? Nous, on se fait chier, on vous emmerde. Les feuilles bleues. Ce rêve bleu. Ah, mais non, se torche le cul, on pourrait pas se nettoyer avec les feuilles bleues. Se torcher le cul à deux, c'est fabuleux. Mélangeons nos feuilles roses et bleues. Roses et bleues. Oh, excusez-moi, j'ai encore éructé à l'antenne. Enfin, il se réveille, ce morbide là. Yes, fuck it. Kill. They deserve their death. Violet. m'a mis sur terre, je pense à qu'une chose, la pénétrer une fois de plus. They deserve their death, vile creatures. They deserve to die. They deserve death. Par nous, par où on sort, nous aimerions rentrer. Une logique pragmatique, un minimum freudienne, pourrait mener à dire que papa voudrait m'enculer et m'usurper à une utilisation tierce comme un con. Concombre. Non, les trucs là, les trucs en pétrole que tu mets sur le pénis pour éviter que la femme que tu prends ne sente pas cette perverse idée que tu puisses être son nouveau gosse. Une chose, un truc dégueulasse là qui augmente la oh chérie, prends-moi aussi. Et puis après qui re-augmente. Mais qui peut pas être à plusieurs utilités parce que sinon ça nique un peu l'économie. Parce qu'on n'est pas capable de créer des entreprises qui sont économiquement viables, putain. Économiquement viables, merde. C'est tout ce qui compte dans ce monde de merde, putain. L'économie viable. Ce qu'on veut, c'est de la vie. De la vie économique. On en a marre d'être des clochards, là. Des usuriers. On en a marre de tous ces parasites qui croient détenir le monde dans leurs mains. Mais c'est ma merde qu'ils tiennent. Avec tous ces excréments qui sentent la date de péremption. Ah, mais ça me répugne, ça m'en fait perdre mon latin. Les excréments, c'est ça qu'on est. Parce qu'on n'est pas économiquement viable. Putain, économiquement viable. Merde, quoi. Je veux dire, on est des pauvres cons, on mérite la mort. On mérite de crever. Nous, ce qu'on veut, c'est crever. On est des pauvres cons. On va se casser. On est des pauvres cons, on va se casser d'ici. C'est ça qu'il faut, mais on n'a pas le courage de se casser d'ici. On pue de la gueule. On a que de la queue. La bite pour baiser, c'est tout ce qu'on a, nous. La bite. La bite. Notre bite. Notre bite à nous. Pour vous, les femmes. La journée de la femme, la journée du viol de la femme. Regardez toutes les panneaux publicitaires avec la femme à poil. Le viol de l'image de la femme. Vous savez ce que c'est ? Moi, une fois, je me suis posé là-dessus, tu vois. J'ai péché. Eh ouais, mais tu sais quoi ? En fait, c'est nous, on s'en fout parce qu'on veut que tu te poses dessus. On veut même t'imposer ça, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est que le mec, quand il est dans sa bagnole, tu vois, il regarde la pétasse, là, comme ça, il se dit, j'ai trop envie de la déglinguer, tu vois. C'est qu'en fait, ils se disent, mais s'il veut la déglinguer, là, cette pétasse, là, tu sais, où il y a marqué, j'adore l'or et tout, machin, tout ce qui sort de mon cul, eh ben, il faut que lui, le mec, eh ben, il ait de l'or, tu vois. Ouais, de l'or dans quel but, putain ? Moi, ce que je veux, c'est un mec avec de l'or. Dans quel but ? Parce que ça, c'est économiquement viable de chier de l'or. Comme ça, quand il enlèvera son quel but, eh ben, je pourrais voir tout son or. Et ce sera à moi, parce qu'il me l'a montré. C'est ça le pouvoir de la femme en France, c'est de voir la bite des mecs, leur fermer la gueule de toutes ces femmes et de tous ces hommes et de tous ces humains, parce qu'ils méritent la mort. C'est des pauvres cons et qui se cassent, parce qu'ils sont pas contents, alors qu'ils allaient se faire foutre, qu'ils changent de planète, merde. Mais je suis choqué là. Hein, mais franchement, mais qu'est-ce que vous faites les gars sur cette radio là ? On fait que de la merde. C'est horrible. Hein. Franchement, avec ce battement là, on dirait un prodé qui écouterait au stéthoscope. Tu vois le stéthoscope. sur la zapette. Mais il sait pas qu'il y a des machines pour torturer les gens comme lui. Écartelé sur le lit de Procuste. Et ce grand con. Mais comme uniquement diable, oui. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes parmi les fous. L'ombre malheureuse de tous les fous vous regarde. Et partout vous voyez l'ombre malheureuse se profiler. À l'horizon, il n'y a rien qu'une ombre. Et c'est vous. Vous êtes une ombre. Bienvenue parmi les fous. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances, c'est vous. Vous pouvez toujours fuir. Allez vous faire enculer. Qu'on aille se faire enculer, bordel. Allons nous faire enculer. Il fallait pas s'en prendre ici. Il y a toujours plus fou que soi. Ah, vous êtes content maintenant, vous avez plein d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre fric? Vous allez le dépenser maintenant? Ah d'accord. Moi, je vais faire les beaux. Je vais m'acheter une maison au bord de la mer. Et arrêter les squats miteux. Je vais me laver et acheter plein de vêtements. Ouah putain, c'est cool mec. Et après je mettrai du parfum dans mon trou du cul parce que j'en ai marre de sentir cette odeur. Ah vas-y. Cette odeur là. Ah parle-moi quand ton trou du cul avec l'argent et tout ça, tu vois. Ouais, je vais me rincer le trou de balle avec de l'eau précieuse. Avec de l'eau précieuse bien chère. Oui. Ah ouais, c'est cool. Plus ça coûte cher, le mieux c'est, tu vois. Mais oui, c'est ouais, sûr. L'argent, c'est cool. Mais c'est ça que j'aime bien avec l'argent, c'est plus on en a, plus on peut en dépenser aussi, c'est cool. Ouais, ça c'est trop bien. Parce qu'il y a des pauvres, ils ont même pas d'argent, tu et sais. Et puis tu peux inviter tes voisins qui sont plus pauvres. Ouais, j'en ai rien à foutre, je suis riche, moi. Les pauvres, ils sont qu'à crever, Ouais, grave. Même ce qu'il dit que c'est vrai. Ouais, ouais, les pauvres, ils sont qu'à crever parce que les riches, ils sont qu'à vivre. Ouais. Ouais. Les riches, ils méritent de vivre, t'as vu. Ils ont le droit de fermer les yeux parce qu'ils ont des yeux pour voir. Ils sont meilleurs que ceux des pauvres parce que les pauvres, eux, ils ont des yeux tout petits, tout dégueulasses. Et ils ont les mêmes moites. Parce que les pauvres, hein, ils ont les mêmes moites. Ils sont dégueulasses. Tu peux pas leur serrer la main. Ils sentent la gerbe, ils sentent la pauvreté. Ça pue un pauvre! C'est dégueulasse, mais c'est répugnant. On devrait tous les mettre dans un sac, le même sac. Ça pue la pauvreté. Et l'appeler et lui donner un nom et on leur dirait d'aller là-bas tous les jours. C'est mieux d'être riche, tu vois, cyclique comme ça. C'est mieux d'être riche. Ils comprendraient bien que les pauvres qui cherchent du travail pour ressembler à des gens qui sont différents d'eux. C'est mieux d'être riche. Encore plus beaux. C'est mieux d'être riche. Putain, qu'est-ce qu'on peut puer alors, les riches? Ils sont beaux, ils ont plein de trucs sur eux. Ils puent de la gueule. Bien. Et quand tu rentres chez eux, ils disent qu'ils ont des trucs qu'ils ont achetés très cher. Et toi, non. Parce que toi, tu ne les as pas et tu peux pas les avoir. Ça, c'est le riche. C'est beau, le riche. Moi, ce que je veux avoir, c'est un riche dans une vitrine. Comme ça, je pourrais le frapper avec une barre à mine de temps en temps en ouvrant la vitrine. Parce que je vais pas péter le verre et qu'il y en ait partout dans mon salon, tu vois. Ouais, grave, ça serait bien. Comme ça, tu mettrais un gars plus riche que toi parce que toi, t'es riche et tu le mettrais dans une case. Non. Moi, je suis pas riche, je suis un pauvre con, moi. Moi, ce que je veux, c'est prendre un vrai riche, tu vois. Genre un PDG, tu vois. Un PDG, tu vois. Président, directeur général de mon cul. Ah, l'enculé de Farsardra, merde, tu enculé. Et lui péter la gueule avec une baramine quand j'ai envie, tu vois, à travers une vitre. Ah, oh, puis merde, fuck la vitre. J'en ai rien à foutre d'avoir du verre dans mon salon. Tant que je peux péter la gueule à un riche avec une baramine dans le cul, je le ferai. Je le mettrai dans mon salon. Comme les 7 boules de cristal, là, tu sais, pour Tintin et Hergé, là, ce fils de pute. Et tu vois. Et le mieux, c'est une cage. Et je prendrai les 7 boules de cristal et je foutrai dans le cul à ce riche de merde. Tu vois, ou cette riche de pute, teint de merde. Ouais, oh merde, j'ai dit une saloperie sur les riches. Fais chier, je vais me faire enculer encore. Parce que je suis un pauvre con, c'est ça, hein? En plus, t'es moche. Tu peux même pas te payer un coiffeur, t'es dégueulasse. Et moi, je dis qu'on devrait lui mettre des électrodes sur la tête. Et comme ça, on le verrait danser. Et il danserait bien. Et après, on inviterait tous les autres et on lui jetterait des cacahuètes dessus. On lui ferait des sévices moraux. Question. Et on dirait que t'as tort. Hein, t'es différent, t'as tort, t'es le seul différent. Dépendre. Et nous, on est tous pareils. Nous allons mourir. Ensemble. Nous allons mourir. Seul riche séparément. Et seul. Ensemble. Seul. Ensemble. Seul. Ensemble. Nous allons mourir. Nous allons mourir ensemble. Avec du Nutella et du miel. Et toutes les comme les riches. Ils vont mourir ensemble et seuls. Et tu seras trop beau. Là, tu commenceras à devenir comme moi. Ouais, toi, t'es beau, t'es un riche. Beaucoup que tu me ressembles. T'as beaucoup de fric. Parce que tu seras trop bien, je veux te ressembler, tu as beaucoup de fric. Je veux te ressembler, tu as beaucoup de fric, je veux te ressembler. Vive la France. La France au fric. La France avec plein de fric. Le FMI ne nous cherche plus de noises. Nous voulons la France au fric. Nous voulons du fric pour la France. Beaucoup d'argent pour la France. Notre patrie. Oui, la patrie. La patrie, c'est important, la patrie. La patrie, c'est où on est né, c'est où on fait de l'argent, on fait du fric. À la patrie, on veut faire du fric pour la patrie. Ah, un pour tous, tous pour la patrie. La patrie, c'est pour nous, les riches. Parce que les pauvres, ils ont pas besoin de patrie, eux. Eux, ce qu'il faut pour les pauvres, c'est du travail et qu'ils ferment leur gueule, donc pas d'éducation. Ferment leur gueule, ces imbéciles de pauvres cons de merde! Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net. Ceci est une expérimentation libre. La liberté n'est pas de ce monde. Vous le saurez. La liberté, c'est souffrance en ce monde. Vous êtes des pauvres cons. Vous ne savez rien faire de vos mains, à part travailler jusqu'à votre mort. Vous êtes des esclaves modernes. Vous travaillez dans la vie active, activement, teubé, comme vous êtes. Vous êtes des imbéciles. Vous vivez la vie malheureuse. Vous êtes morts d'avance. Vous êtes des pauvres cons. Vous êtes des sales arriérés. Des bons à rien. I wish I were dead, stupid fucking fucks. I wish you were all dead and I were dead too, man. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? I wish we were all dead so that we wouldn't fucking pollute the fucking earth and we wouldn't fucking kill each other for stupid reasons qu'est-ce like money. I wish we were fucking dead because we deserve it. We're so fucking hypocritical and I deserve to die because I want to, man. I just want to not see your faces anymore, you stupid fucking judgmental fuckheads. I hope you all die. C'est la crise. And I die before you. That's what I hope, but I gotta see you die to believe it. I gotta believe you're dead. I gotta believe you're dead before dying. I gotta see you die. Il faut que je vois mourir avant de mourir moi-même pour y croire. Il faut que je croie en votre mort pour être heureux dans ma vie, c'est dans ma mort. Ouais, dans la mort d'un pauvre con, trimmer, travailleur, qui va faire de l'activité pour un PDG. Qui va faire du fric sur mon dos et qui en a rien à foutre une fois que je serai mort. Parce que lui vivra éternellement parce qu'il aura la vie éternelle avec l'eugénisme et la putain d'OGM de merde qui lui fera durer sa vie entière jusqu'à la mort. Mais il mourra jamais parce que c'est un riche et que moi je suis un pauvre et je suis déjà mort. Qu'ils aillent se faire enculer ces Français de merde qui croient qu'ils ont la vérité en eux. Ils ont rien. Ils ont même pas la France en eux. Ils savent même pas ce que c'est ce pays. C'est quoi? C'est la Gaule, la France? T'as la Gaule dans ton Bamako de futal de merde, enculé de race de putain de chiottes de riches de merde? Enculé, va! Enculeur de mouche! Encule-moi, vas-y, j'aime ça, t'sais! Salope! Salope de riche de merde! La richesse, c'est pour les culs! Si tu vends ton cul, c'est économiquement viable. C'est-à-dire que t'es riche, merde. Putain, mais ton vagin! C'est pas un vagin, mec. C'est la fortune. C'est une putain de banque. Tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, paye ton loyer avec ton vagin. Paye ton loyer avec ton cul, mec. T'inquiète, je suis pour l'homosexualité. Comme ça, on pourra payer son loyer avec son cul, t'sais. Ouais, c'est un bracelet que un malien m'a offert à Bamako. Contre une sodomie. Ça va, ça l'a pas fait trop mal. Ouais, ça va en fait, j'avais de la poppers. J'avais de la marge quoi, ça rend impotent ce truc là, c'est ça? Et lui il est un peu omnipotent quoi. Il danse sur trois jambes quoi. C'est comme un peu, entre guillemets, ma sale race de merde, quoi. Elle pue. Mais ça va, lui, il a un beau bal à chiottes. Hein. C'est comme un bal à fond, mais c'est un bal à chiottes. C'est comme une ventouse, mais c'est une partouze. C'est vrai que le bal à fond, là, il était bien à fond. Hein. Je préférerais largement une ventouse dans le cul qu'un balafon, putain. C'est pour ça que j'ai toujours fantasmé sur Mario Bros. Super Mario Bros. Ta-da, ta-da. Ta-da-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da. Et connais-tu les deux frères et deux frères PD? Héro, pas Bléro. Par les fuites, il passe dans les tuyaux. 1-1-1-1 Super Mario Bros. Tada tada, Monsieur Président. Carla et Luigi. En roman photo. Brunis-moi l'anus avec ta mère, chérie. Oh oui, oh oui. Frotte-moi l'anus avec ton cul. Oh yeah baby. Wouh. La dépêche du midi. Ah oui, Gajou et Digidi. Blablabla. Agagouk. La vérité a frappé les Français à travers la radio Canal Sud. À travers Canal Plus. Vous êtes sur Canal+, bienvenue. Frappé de plein fouet. Je vois très bien le journal de la Hard. Tubs. Le journal de la Hard. Plusieurs tubs sont rentrés dans mon Canal+, je ne comprends pas, mon décodeur est hors fonction. Expliquez-moi. Avec Philippe Vandal, proposant le concours pour la triennale. Et l'enfarineuse n'a pas supporté sa défaite, c'est pourquoi elle a voulu assécher les écoulements. Je mérite toute ma punition. Elle a donc participé à la triennale, elle aussi. Elle s'est fait un paquet de pognon, bien sûr. Une thérapie anale, c'est ça? Oui, monsieur. D'accord. Asseyez-vous sur la chaise, avec le machin au milieu, là, qui pointe. Oui. Rappelez-vous votre enfance sur le tourniquet. Et ben là, vous passez sur le tourniquet. Vous êtes une mouche. Je suis un riche, je vous encule. Je suis un enculeur de mouche. Troisième dame de ce demi. Bite de hostesse. Au grand blâme de la société, je dois avouer une chose quand même. La folie, il n'y a rien de meilleur que ça. Parce que comme ça, au moins, on peut dire la vérité. Pas comme les gens intelligents qui travaillent pour du fric. La folie, ça nous permet de dire... Tenez, voilà, vous êtes de la merde, vous le savez? Non, vous ne le savez pas, et eh bien moi je le sais pour vous, merci, au revoir. Ça c'est la raison impure. Mais c'est celle qui a raison. Alors, punissez-nous, nous le méritons tous. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer, la liberté d'expression c'est pas français. L'égalité c'est pas français non plus, c'est haïtien. La liberté et l'égalité peut-être c'était français avant Napoléon, mais c'est trop tard maintenant. Maintenant, on a tout le fric du monde et on sait pas quoi en faire à part dépenser sur des iPads et des putains de tablettes qu'on en a rien à foutre, qu'on pourrait jeter à la poubelle, qu'on en a rien à foutre parce qu'il y a du CFC dedans et qu'il faut pas faire des choses pareilles. Il Faut pas faire des choses pareilles, ça sert à rien. Ça dessert la cause. Faut travailler. Faut pas se poser la question de la cause. Travailler jusqu'à la mort. Je veux être un riche. Je veux ressembler à un riche. Faut travailler. Je veux la bite d'un riche. On s'en fout des conséquences. Il faut du fric pour avoir une grosse bite. Vite ! Il faut que j'ai une grosse bite. Il faut que j'ai du fric pour avoir une grosse bite. Pour pouvoir impressionner les meufs, une fois elles auront peur, elles voudront plus de moi, j'aurai quand même une grosse bite et je pourrai aller voir les Godmichi ceinture. Une grosse bagnole. Il me faut un Godmichi ceinture, vite monsieur. Il me faut du fric monsieur. J'en ai beaucoup. Eh bien tant mieux, parce qu'il vous en faudra beaucoup. Parce que le Godmichi ceinture ça marche mieux si on a un lubrifiant genre papier, anal, ou se foutre dans le cul genre fric. Ou si vous êtes carte bleue c'est encore meilleur, comme ça. Le Godmichi anal passe tout seul, avec la ceinture dedans aussi. Et tout ça, c'est bon parce que vous êtes riche et vous avez un trou du cul de la taille du Guatemala. Tellement vous êtes riche. Vous aimez ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Non, le fric, c'est bien. Parce que comme ça, on peut acheter plein de trucs, genre, je sais pas, des conneries. Des enfants. Alors, on peut s'acheter des gamins. On peut se branler en regardant des vidéos porno quand on veut. On peut même mater des trucs zoophiles payants. C'est génial. J'adore avoir une carte bleue parce que depuis que j'ai une carte bleue, je peux commander ce que je veux sans le net. Donc, film de boule, porno, chat coquin, à peu près tout ce qui commence par le mot sexe. On peut se le payer avec du fric. Voilà. C'est pour ça que je veux du fric d'ailleurs. Tout est marchandise. Oui, à part ce qui n'est pas sexe, quoi, je veux dire. Donc moi, ce que je veux, c'est du sexe pour oublier un peu ma bêtise, tu vois. C'est vrai que quand on pratique le sexe, on se dit qu'on est au même niveau que les autres. Hein. À part par terre, c'est quand on s'est enculé. C'est tellement spirituel, je me dis que les gens les plus spirituels font du sexe, donc ça me rassure. Kyrie eleison et spiritus sancti demode. Non, moi, je préfère franchement me prendre une bite dans le cul par terre, sur le carrelage froid. Le sexe c'est mieux que la religion. Parce que le sexe ça se vend. Ça se vend mieux. Ouais mais quand même la religion ça se vend bien. Parce que tu vends du non-sexe en fait. Donc en fait tu peux vendre du sexe à des gens qui ont été privés de sexe par la religion qui vend du non-sexe. La religion en général ça fonde le sexe parce que le fondement du sexe c'est la procréation. Eh ouais c'est vrai. C'est tellement évident que je l'avais pas vu d'ailleurs. C'est un péché véniel le sexe. Non, ce qui est méchant c'est de ne pas partager sa thune, d'être oisif, d'avoir plein de bouffe à bouffer tout le temps. Non, ça c'est un péché mortel, mais ça on s'en fout puisqu'on est riche. Non, c'est les pauvres qui doivent souffrir dans leur péché de merde. Tout est fait pour les riches dans ce monde. Vive ce monde. Vive le fric. Zig. Moi je veux que les pauvres ils se sentent coupables. Je veux qu'ils aient envie de me ressembler mais qu'ils se sentent coupables de pas me ressembler. Tant mieux. Je veux pas moi me sentir coupable quand je vais voir ces pauvres gens qui se sentent coupables. C'est bon alors. C'est pour ça que je fais de l'humanitaire. T'es un grand humaniste quoi. Ouais. T'as du fric. J'achète plein d'humains. Ouais, moi aussi j'ai plein de fric, je suis un humaniste aussi. Avec l'argent que les humains ils ont fait, et ben moi j'achète des humains ailleurs. Et quand je m'aime pas en tant qu'être humain, et ben en fait je vais ailleurs pour dépenser l'argent des autres humains. Ouais, c'est d'utiliser des impôts, c'est une bonne idée ça. Carrément. Ouais, carrément. C'est comme un god ceinture finalement. Tu vois, c'est plus pratique qu'avoir une meuf parce qu'une meuf il faut lui donner des bagues et tout, tu sais. Alors que même un mec, tu vois, je veux dire, il faut lui donner des montres. Alors que si t'es un god ceinture, Eh ben, tu demandes à ton chien de te fournir un peu d'énergie. Tu peux distribuer voilà. À tout le monde, à le gars de ceinture, en fait. Partout, ça se revend, mon gars. Tu le refourgues à tout le monde. Quand je l'achète, c'est pour le garder. Hein. Le garder bien profond. Tu as un plug anal, tu vois ce que ouais, un plug anal. Je m'en exprimais pas un gars de ceinture, en fait. Un plug anal pour les riches, c'est ça que j'ai. J'ai toujours ça avec moi. Il est fait en fric, il est fait en or, plaqué or. Or avec titane à l'intérieur pour que ce soit bien dur et qu'il rentre bien profond. En fait, j'aime tellement le fric que je me suis foutu dans le cul, quoi. C'est vrai, j'adore le fric parce que comme ça, les gens sont égaux entre eux parce qu'on peut leur donner un peu de fric, ils se sentent égaux, tu vois, tout de suite. Mais certains animaux sont plus égaux que d'autres, quoi, tu vois. Certains humains sont plus égaux que d'autres, mais c'est le fric, ça. Mais c'est, on s'en fout, tu vois. Parce que ce qui est important dans l'histoire, c'est l'égalité, tu vois. Ouais, moi aussi, en fait, j'ai mis mon. C'est bizarre, hein, c'est universel. Hein. Moi aussi, je me suis mis mon argent dans mon cul. Je crois que ça vient de là, le mot colon, en fait. C'est ouais, tous c'est ceux ça. Qui se trimballent avec leur fric dans leur cul. Exactement, c'est ça. C'est comme le cancer du côlon, bah en fait, c'est le côlon. Il y a trop de fric dedans, donc il faut qu'il le vide, il faut qu'il le purge, tu vois, avec une ventouse. Mmh. Voilà, il y a tout le fric qui sort, et après, ben, les docteurs, ils se font de la maille sur ton dos. Enfin, sur ton cul, je veux dire. Ils sont riches aussi. Et moi, j'aimerais bien être aussi riche qu'un docteur. Ça dépend quel docteur. Le docteur Johnny, il est vachement riche, ouais. Ça dépend lequel, parce que celui qui s'est foiré pour l'opération, là, il est dans la merde. Mais par contre, vu que c'est un bon ingénieur, je veux dire, il a un bon assureur, et donc du coup, il s'est fait godemiché ceinturé, tu vois. Donc c'est bon, il a du fric plaqueur dans le cul, quoi, donc il pourra faire le cancer du côlon, mais plus tard, quoi. Pas comme l'autre qui va crever entre-temps. Je veux dire, Johnny, merde, ok, j'ai dit. Ça, c'est triste, c'est vraiment triste, je veux dire. Voir un riche crever, c'est vraiment triste. Ouais. Comme Michael, je l'aimais tellement il avait du fric, c'était le roi de la pop pour moi, t'sais. C'est dommage qu'il soit mort pauvre en fait, c'est triste pour lui quoi. Vraiment c'est con parce que moi j'aurais bien perduré sa religion et tout, tu vois. Malheureusement il n'y a rien à faire pour lui, le mec il est né pauvre, il est mort pauvre. Il n'y a rien à faire pour lui, c'est une pauvre merde, excuse-moi mais c'est un pauvre con quoi. Ouais, que nous on peut devenir riche maintenant, on revend ses disques maintenant qu'il est mort. Il y a plein de gens qui l'aiment parce qu'on leur a dit il faut l'aimer. Ah non, moi j'ai des principes, excuse-moi. Moi je me fais pas de fric sur le dos d'un pauvre con, quoi. Non, moi je fais du fric sur le dos des pauvres. Donc des enculés, des enculeurs de mouches, quoi. Enfin, moi je suis un enculeur de mouches et eux c'est des enculés. En fait, c'est des mouches. Les mouches, les moucherons, c'est des moucherons. Les pauvres, c'est des moucherons que je prends, que je bouffe, que je chie. Ensuite, je leur marche dessus. Et ensuite, je les étripe et je les fais travailler après, tu vois. Pour leur dire qu'ils ont pas d'éducation et qu'ils méritent la mort, tu vois. Et c'est ça la pauvreté. L'indigence, c'est spirituel d'abord. Non. En tout cas, ça marche bien comme ça. Ouais, ça marche bien. Et si ça marche bien, bah c'est que c'est bien. Ceux qui sont en boîte ce soir, ou qui vont en boîte ce soir, spécial dédicace à vous faire mettre par votre cher fric. Et vous avez vraiment des sales tronches là, vous êtes mal maquillés. Et les mecs, pourquoi vous avez mis du coton dans votre slip? Ça sert à rien les gars, t'sais. Vous avez des petites bites, c'est tout. Et dans votre soutien-gorge là. Je t'ai dit le maquillage, c'est pareil. Et on peut encore revenir sur les mecs avec leur gode ceinture dans le cul quoi. Je veux dire, s'ils vont en boîte, c'est bien pour ça, non? C'est pour trimer quoi. Après, le lundi. C'est pour ça qu'ils disent avec une petite voix « Bon alors comment ça va ?» Bah comme un lundi, hein. Comme un lundi. Et long, dans le cul, ça va. Ça passe ou ça casse. Alors bah, ceux qui sont un peu chefs, ils ont un go de ceinture un peu plus gros que ceux qui se font enculer, donc ils se la pètent un peu. Mais bon, il y a un moment donné où ils passent au bureau et le chef qui a un plus gros go de ceinture, il lui met à l'autre et voilà. Et ça, c'est sans fin. Allô Germaine ? Oui ? Germaine, tu peux me passer le gode ceinture s'il te plaît, c'est pour mon nouvel employé, je voudrais lui mettre bien profond. D'accord, patron. T'en veux un peu? Non, ça ira, merci. Ah, j'ai compris, d'accord. Bonsoir, vos papiers s'il vous plaît. Ah, j'ai dit une connerie tout à l'heure peut-être. Eh ben, je voudrais m'excuser publiquement de toutes les conneries que j'ai dites. Je suis désolé, je suis vraiment un imbécile. J'ai pas eu d'éducation, j'ai pas le bac. Je sais pas lire. Enfin, je sais lire, mais très mal. Je lis deux mots à la fin du bouquin, genre la fin, tu vois. Et y a pas jamais le mot au début, j'ai jamais compris pourquoi. Non, non, mais moi je peux te dire, j'ai le bac et donc tu t'as rien compris. Je sais. T'as rien compris à la vie. C'est vrai ? Non, tu te tais. D'accord. Tu te tais. D'accord. C'est une question de respect, c'est ça ? Faut que je ferme ma gueule. Ouais. Faut que je ferme ma gueule, c'est une question de respect. C'est ça, exactement. Ok, je ferme ma gueule, c'est une question de respect. Il faut que t'apprennes le respect, faut que tu le livres. Faut que je ferme ma gueule. Quoi. Le livre, le respect. D'accord, je suis un pauvre con, j'ai compris. Mais faut qu'on t'apprenne à lire. Attends, je ferme ma gueule et je comprendrai plus tard. Respect. Voilà. Je ferme ma gueule d'abord, ferme après je comprendrai peut-être. Ferme ta gueule. D'accord, d'abord je ferme ma gueule, ensuite je comprendrai, quoi, c'est ça ? Voilà. D'accord, je ferme ma gueule, ensuite je comprends. C'est ça. Je ferme ma gueule. Mais t'es un français, donc tu es lucide. Mais tu comprendras plus tard quand je t'aurai dit comment il faut comprendre le truc, d'accord ? Moi je prends pas les français pour des cons, mais il faut le temps qu'ils comprennent ce que j'ai à leur faire comprendre. Soit économiquement viable, qu'on finisse pas comme la Grèce. The fuck! Travaillez plus, quoi qu'il en soit, travaillez plus. T'inquiète, je gère. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est la radio qui abrite l'émission Nuisance. L'émission Nuisance, c'est l'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens du mot sens même, que ce que je dis c'est vrai. Merde. Comment ça va mon petit ? Hein ? Comment ça va à l'école ? J'ai pris une bite dans le cul par le professeur. T'as eu une bonne note ? Ouais. C'est bien ça. 12 sur 20. Il m'a dit que j'étais un pauvre et que j'étais con, alors je méritais pas plus. Bah faut que tu travailles plus et comme ça tu seras moins pauvre. Mais travailler c'est pour les riches, non ? Non. Oh merde, j'avais pas compris papa. Faut travailler, excuse-moi. Enfant, mais non. Ah bah je vais travailler pour être riche, c'est ça, moi ? Pour les riches, je me souviens plus, c'est quoi la leçon déjà, papa ? Je travaille pour les riches ou je travaille pour être riche ? J'ai plus ! Bon alors, comment ça va ? T'as trouvé un boulot ou comment ça va ? Non, j'ai le cancer de la gorge, je suis crevé, hein. C'est parce que j'ai travaillé à la mine toute ma vie. Mais là, tu travailles pas, là, en ce moment ? Ah, je suis mort. Ah bah ouais, bah dégage, là. C'est fait. C'est fou ce que ça peut être passionnant, une émission de radio avec un connard à l'antenne. Je veux dire, vous, oui, ou une connasse. Bon, d'accord, je vous l'accorde. Alors, ce soir, c'était une émission spéciale viol pour la journée de la femme. Je trouve que c'était approprié, quoi. En tout cas, dans l'émission d'usance, c'est assez approprié. Donc, puisque pour la journée de la femme, nous avons fait une émission spéciale viol, pour l'émission de l'homme, la prochaine émission, pour la journée de l'homme, je veux dire... Nous allons faire une émission spéciale Vioc. Donc entre être vieux ou être violé, qu'est-ce que vous préférez ? Ben voilà quoi, Nuisance est là pour vous offrir le choix. Le choix, toujours le choix, la liberté, l'égalité, la fraternité. Allez vous faire enculer, bâtard de merde, vous êtes vraiment des pédés. Et puis de toute manière, les homosexuels, on n'aime pas ça parce que c'est pas une économie viable d'avoir des godemichés ceinture en permanence dans le cul quoi. Je veux dire, merde quoi, c'est des pervers, les homosexuels et les marginaux. Et les clochards, c'est des pervers. C'est économiquement viable, je t'arrête. C'est des pervers. Tous ces gens-là, c'est des pervers, des sales vicieux. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, je suis d'accord avec vous. Ah, je parle aux homosexuels maintenant. Oui, je parle aux homosexuels maintenant. Vous êtes des beautés. Vous êtes des beautés, les homosexuels, vous êtes de la beauté. Oui, de la beauté, de la beauté. Maintenant, je parle aux juifs. Oh, les juifs, c'est de la beauté, c'est de la beauté. Je parle aux antisémites maintenant. Oh, les juifs, c'est de la merde. Bon, je parle à qui maintenant ? parle aux anti-boucaques. Les rebeux, c'est de la merde. Je parle aux rebeux, c'est génial, les rebeux. Je parle aux pauvres, c'est bien, les pauvres. Je parle aux riches, c'est bien, les riches. En fait, je parle. Le tout, c'est de se mettre toujours du côté des opprimés. Je parle. Bienvenue en ce monde. Tu es tout nouveau-né et tu vas vivre la merde, car tu es un pauvre con. Et tu vas travailler toute ta vie pour rien, pour crever à 40 ans avec un mal de dos. J'espère que tu crèveras vite, comme ça. T'auras des gamins parce que t'auras baisé toute ta vie avec ou sans, plutôt sans capote, ou plutôt avec des capotes trouées parce que t'es un pauvre con et t'auras pas eu les moyens d'acheter des capotes pas trouées pour baiser parce que t'es qu'un pauvre con. Pourquoi t'es là? Bah en fait on m'a dit de te dire qu'on avait envie de faire un enfant parce que c'est l'amour, parce qu'on avait envie de donner de l'amour. T'es un putain d'accident, connard. Tu nous as fait chier toute ta vie. On n'a pas d'autre explication. C'est de la merde, mon gars. En fait, quand t'es arrivé, on voulait t'enculer, mais ton trou de balle, il est trop petit, on voulait pas te faire saigner pour t'amener chez les médecins. Tu comprends? Oui? C'est ça, la vérité. Tu voulais de l'honnêteté? T'en as eu. On te voulait pas. Tu crois qu'il vient d'où, ton mec de lièvre? Hein? On est pauvre. Pourquoi on voulait? Pourquoi on voudrait? On est pauvre. On n'a pas d'argent. Pourquoi on voudrait un deuxième gamin, un troisième gamin, un quatrième gamin? On est pauvre. On souffre la misère. Et toi? Toi, tu t'as une putain de vie d'enfant, tu sais? T'es innocent? Mais va chier, connard! Va chier! Oui, c'est ça, va au popo, ouais. Alors c'est ça, on a fait une connerie, on t'a fait, et maintenant? Maintenant on doit assumer, c'est ça? Tu veux pas la partager avec nous, hein? Putain, mais tu penses vraiment qu'à ta gueule? Tu penses qu'à ton cul, humain. C'est tout ce à quoi tu penses. Quand tu penses. T'es vraiment qu'une merde. Mais, tu sais quoi? T'es même pas fait pour penser, vas-y, t'es fait pour travailler. Va chier, putain, va chier, bordel de merde. Enculé, bah. Je suis calme, je suis pas payé pour penser, moi. Je sais pas penser, j'ai pas le bac, désolé. Je suis pas diplômé pour penser, moi. Putain, mais moi, je suis président, j'ai même pas le bac. Rien à foutre, sois président, t'as du fric. Tout ce qui m'intéresse, c'est ton fric. Ouais, j'ai du fric, quoi. Tant mieux. Bah, je t'aime, alors. Voilà. Je t'aime, président. Voilà. Tu as plein de fric. J'ai du fric. C'est ça. Mais tu me mens, ouais. Non? T'as pas de fric, en fait. T'es qu'un président. Ah, je vais voir je le mens. FMI. Je mens. Dominique Strauss-Kahn, salut! T'as du fric? Y'a que toi qui mens pas, mon gars. Il m'a du fric! C'est pour ça que t'as pas de fric, c'est parce que tu mens pas? Je mens toujours, c'est pour ça que je veux du fric! Est-ce que tu sais vraiment mentir? Se mentir à soi? Ouais, au moins un douzième dan de mensonge pour arriver à faire du fric. Quand je dis du fric, c'est. C'est du fric pour t'acheter la fric, quoi. C'est du fric avec la fric, mais. Les gens savent même plus. 12e dan, au moins, des mensonges. 15 ans pour faire un cerveau de mensongeur. Vous êtes sûr que c'est l'émission Nuisance, Nuisance qui bat son plein, toujours comme d'habitude. Là pour vous faire chier. Comme d'hab. La censure est là. Elle va sûrement me taper sur la gueule. Heureusement, je suis un jobard. Merde pour la radio, fait chier. Ces enculés m'ont tout pris. Tout. Même mon enfance. Ma raison. Ma raison d'être. Ma vie, quoi. Même ma mort, ils me prendront. Ces enculés, j'espère qu'ils vivront éternellement. C'est riche. Si moi je suis pas jobard, je vais me faire taper dessus. Thank you. Bon, eh bien, je voudrais vous préciser que ceci est une émission fictive. Rien de ce qui a été dit ici n'était politique ou un tant soit peu pragmatique. C'était de la déblatération d'ânerie, avant tout. Et c'est enregistré, comme ça au moins je pourrais le prouver. Ceci n'était qu'une émission débile sur une espèce d'animaux putrides et sans satisfaction. Et puisque insatisfaits, ces humains mourront certainement tristes. Puisqu'insatisfaits, de toute manière, ils le méritent. Elles aussi le méritent, les humaines, de mourir. Grand Dieu soit loué qu'on puisse mourir un jour, je crois, en tout cas pour les pauvres. Les riches, eux, ont mérite de vivre éternellement. Ils sont beaux et forts. Merci à tout le monde de cette écoute.